son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... Merci Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional du 4 janvier. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant du directeur général Yannick Jean qui était hier sur les ondes de CKJ au Saguenay dans l'émission dans le vestiaire avec Dominique Bolduc. Il a expliqué la transaction de Olivier Galipeau, qui l'a fait passer au titan des Caddy Batters en retour de 5 choix au repêchage. Et Yannick Jean mentionne évidemment que c'était probablement la meilleure offre qu'il avait sur la table. Non, il n'y avait aucune autre offre qui pouvait arriver proche de cette offre-là. C'était beaucoup plus que ce que n'importe quelle équipe pouvait arriver. Yannick Jean qui a mentionné que le marché est actuellement pour les vendeurs. On l'a vu, ce qu'on a obtenu pour Galipeau, ce que les joueurs, le marché, il est fou. Oui. C'est fou ce que quelques équipes sont prêtes à payer pour s'améliorer. Donc, on ne voulait pas être à la merci de personne. On ne voulait pas échanger un joueur de premier ordre en Galipeau avec une bonne valeur et être obligé d'un autre côté de se retourner, aller en chercher un autre, mais donner également à un prix qui ne fait pas de sens. On aimait mieux amener un joueur qui ne nous coûte rien. Puis on verra en temps et lieu s'il y a d'autres choses qui arrivent sur le marché, mais on ne voulait pas être à la merci du marché, c'était la chose la plus importante. Curling maintenant, l'équipe de Robert Desjardins peut toujours espérer aller aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, la formation de Robert Desjardins qui hier a gagné contre la formation de Jason Cunningham et Shannon Beerschel par la marque de 6-5. En matinée, Robert et Émilie Desjardins avaient perdu 7-6 face à Kellen Schneider et Nancy Martin. Et Atome 2B au tournoi Atome de Chicoutimi, il y avait des matchs qui nous intéressaient. En fait, il y avait 3 matchs au programme hier. Les Aiglons d'Allemagne de Fell Royal avaient battu 4-2, victoire du Saguenay de Chicoutimi 1-0 contre le Dynamo de Chicoutimi et gain des Marquis de Jonquière 1-0 sur les Orioles de Jonquière. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Joe Hardy. On fait un peu le bilan de l'actualité chez le Canadien de Montréal. Gilles Péloquin vient nous parler de la chronique de la Ligue nord-américaine de hockey. Et vous pouvez également écouter d'autres entrevues, donc celle avec Yannick Jean sur les ondes de CKJ hier, où Yannick Jean explique la transaction qui a fait passer Olivier Galipeau au Titan d'Acadie Batters. Le sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.